Chapitre 15, le double aveu. Fameux temps aujourd'hui, un vrai temps de fête qui s'annonce à cette heure. C'était Balanec, en promenade matinale sur le quai, se rendant au chantier du Stivel, où l'on achevait de mettre la dernière main aux préparatifs, la cérémonie de la croix de mission devant avoir lieu dans l'après-midi, qui lançait cette apostrophe joviale à Denis le Marec, en grande conversation avec son camarade Hervé Morvan. Tous deux se retournent, saluent le vieux mareyeur qui poursuit son chemin du même pas balancé, et regardent lentement autour d'eux, comme soudain pris, enveloppés par une atmosphère ambiante, dont ils sentent plus que personne l'influence, pour en avoir été longtemps et souvent privés. En effet, c'est le gris qui domine, le gris. La vraie couleur de l'âme bretonne, du pays breton. Le temps est gris, ciel gris, mer grise, paysage gris. Tout est semé de cette fine et impalpable cendre terne, mélancolique qui prête au mystère, évoque le rêve, encourage les visions et communique à toute chose un particulier caractère d'intéressante tristesse. Des teintes grises comme apaisées, traînent partout, envahissent l'espace, l'océan, l'éther, leur donnant cette tonalité qui est la grande poésie enveloppante du pays d'Armorique, des pointes brumeuses où flotte de l'infini, où l'on comprend davantage le surhumain, où l'on sent mieux la puissance de la nature. La falaise de la presqu'île de Roscanvel est tout adoucie d'une buée bleuâtre, tendre, légère comme une gaze et charmante à voir. La mer est une plaque d'étain, teintée çà et là de lueurs vertes, de traînées jaunes. Pas une vague, pas un bouillon d'écume au croc menaçant des roches basses, pas une ride sur l'immensité plane de l'eau, qui semble dormir d'un grand sommeil de géant. Jour de fête, c'est à voir, oui, si ça tourne bien, murmure à voix basse Denis le Marec. Mais son compagnon le réconforte d'une solide et affectueuse poignée de main, ripostant vaillamment. « Ne te tourmente pas, j'ai confiance. Merci Hervé, tu es un ami. Toi aussi tu peux être tranquille. Jean-Marie Balanec étant au chantier, sa fille doit être seule. Je vais pouvoir lui parler. Autant qu'elle soit d'avance, elle aussi, au courant de ce qui va se passer. » C'est une bonne fille, un cœur d'or, avec elle on peut toujours s'expliquer en camarade, mieux qu'avec son père, tout brave homme qu'il soit, mais trop entiché de ses idées et trop entêté dans ses desseins. Et sur ces mots qui devaient être la conclusion de la conversation qu'il venait d'avoir, Denis, raffermi, le cœur un peu battant, malgré sa résolution, se dirigea vers la demeure de Balanec, située auprès de l'église. Quand il entra, la jeune fille, sa toilette presque terminée, achevait d'arranger sa coiffe, immobile devant son miroir. Elle semblait plongée dans de si profondes réflexions que l'entrée du jeune homme ne put l'arracher à cette absorption et que, durant quelques instants, il put la contempler tout à son aise et l'admirer dans son costume de procession. La taille plus fine et mieux prise que jamais dans le corsage bien ajusté de sa robe neuve de soie couleur tendre, le châle de crêpe de Chine drapé sur ses épaules rondes et dégageant le cou à l'aide de 3 ou 4 plis mordus par une épingle, ayant mis un tablier d'étoffe changeante à reflets glacés, elle parut à Denis plus jolie, plus séduisante qu'elle ne lui avait jamais semblé. Ce fut comme une lumière lui entrant à grands flots dans les prunelles, le temps qu'il examine sa charmante tête, aux traits affinés par l'éclat blanc des broderies de la coiffe, coquettement posée sur ses cheveux d'un châtain clair presque blond. Surpris, attiré, il faillit s'exclamer « Que vous voilà jolie, reine !» Il lui paraissait ne jamais l'avoir vue ainsi. Pourtant, il avait eu bien des occasions de la contempler, mais jamais il n'avait vu en elle qu'une camarade, une amie, presque une sœur. Il fallait que soudain, au moment où il venait pour lui dire qu'il en aimait une autre, elle se présentât enfin à lui en sa radieuse et triomphante beauté de femme, d'une femme qu'il lui suffit de demander pour en faire la compagne de sa vie. Ce fut si rapide, si intense, cette pensée en lui, qu'il resta un moment saisi, se demandant avec inquiétude ce qui se passait dans son cœur en cet instant décisif. Il eut besoin d'un effort pour échapper à l'instantanéité de cette séduction, pour replacer entre Reine et lui le pâle et énigmatique visage de Faïk, les yeux profonds, les cheveux d'or de celle qu'il aimait. Dominant son trouble, mais si chancelant qu'il fut obligé de s'appuyer de la main au mur, il s'avança de quelques pas et demanda, la gorge serrée, le sang sifflant aux tempes avec une violence inaccoutumée, « Reine, je voudrais vous parler. » Elle se retourna, saisie, jetant un léger cri car elle se croyait seule. « Hein ? Qu'y a-t-il ? Que me veut-on ? » Puis un sourire éclaira toute sa physionomie, lui donnant une exquise expression de joie, de plaisir, de confiance. « Denis, ah, c'est vous !» Doucement, elle passa la main sur ses yeux, pour en écarter les visions qui venaient de la hanter. Depuis le matin, les réflexions ne cessaient de l'assiéger, augmentant le trouble, l'indécision de son cœur, chaque jour combattu entre les souvenirs chers qu'elle conservait, entre l'égale tendresse qu'elle ressentait pour Denis le Marec et pour Hervé Morvan. En ce jour solennel, où les âmes devaient particulièrement s'élever vers Dieu, elle avait éprouvé de nouveaux scrupules en constatant ce qui se passait en elle, trouvant tour à tour qu'elle était coupable en oubliant trop les années d'enfance, les joies de son amitié d'autrefois avec Denis, et aussi en méconnaissant les espérances qu'elle avait pu laisser concevoir à Hervé. N'avait-elle pas encouragé les tentatives de ce dernier vis-à-vis d'elle, en se montrant avec lui plus coquette qu'elle ne l'aurait dû, et combien n'était-elle pas blâmable si, après ses tacites encouragements au contremaître, elle allait épouser le neveu du recteur. Au moment où le Marec venait ainsi la surprendre, elle se remémorait tout ce qui avait eu lieu depuis ce retour de la Croix du Sud, toutes les luttes intimes dont elle n'avait fait la confidence à personne et qui s'étaient si souvent passées en elle, troublant ses jours, désolant ses nuits. Tout, depuis cette époque, semblait se liguer autour d'elle pour amener son mariage avec Denis. Dans toutes ses conversations, son père le lui avait toujours laissé entendre, ne cessant de vanter les mérites, les qualités du jeune homme, ne lui cachant pas que cette union comblerait ses plus chers désirs. Chaque fois qu'elle avait rencontré Kerbiriou, il lui avait montré une affection plus paternelle que d'habitude. Il n'avait rien demandé pour son neveu, rien dit en sa faveur, prudent et réservé, mais tout, dans ses manières, dans ses paroles, prouvait que, déjà, il la traitait tendrement en nièce. Quand elle s'interrogeait, anxieuse, désireuse de satisfaire à la fois son père et le recteur, il lui semblait bien que Denis le Marec lui plaisait. Elle le trouvait certainement à son goût. C'était en vain, cependant, qu'elle cherchait à voir en lui un mari. Il ne lui apparaissait que comme un frère, toujours le camarade de jeu de son enfance, un ami seulement. Et cette constatation la bouleversait, car elle ne se sentait pour lui rien de cet irrésistible et tendre entraînement, de cet élan de cœur qui la poussait autrefois vers Hervé Morvan. Oh, celui-là, c'était tout autre chose. Il ne lui plaisait pas du tout de la même façon. Elle qui avait parfois quelques difficultés à replacer devant ses yeux, par l'effort de la mémoire, les traits de Denis, qu'elle connaissait pourtant depuis la première enfance, qu'elle voyait presque tous les jours depuis son retour, elle n'avait qu'à clore ses paupières aux longs cils pour voir immédiatement Hervé. Elle le voyait tel qu'elle l'avait vu pour la première fois, le jour où il était définitivement revenu à Camaret, son temps de service fini, encore en tenue de matelot, avec son galon d'or de second maître sur chaque manche, et, sur la poitrine, ses deux médailles, l'une accrochée au ruban jaune à raies vertes, l'autre au ruban bleu à raies vertes, qui disait bien haut ses campagnes glorieuses, ses états de service. Tonkin, Madagascar. Cela, jamais elle ne l'avait oublié. Elle s'était sentie émue, touchée en plein cœur. et elle avait compris que tout d'elle allait à lui. Mais voilà que l'arrivée de Lemarec avait tout brouillé en elle, qu'elle n'avait plus su ce qui se passait sous l'influence continue et usante des insinuations de son père, des amabilités du recteur, du bavardage de ses compagnes. Il lui avait semblé que peu à peu un mur de brume montait, s'élevait entre elle et Morvan, et qu'elle ne distinguait plus ses traits de souvenirs aussi nettement qu'autrefois. Est-ce qu'elle ne l'avait jamais réellement aimé? Est-ce que Denis avait définitivement pris sa place dans son cœur? Bien des fois, elle s'était interrogée sans pouvoir rien décider. Le respect qu'elle avait pour son père, dont jamais elle ne se fût permis de combattre la volonté, dont elle subissait aveuglément l'autorité, l'empêchait d'arrêter un choix sans avoir son avis. Et elle n'osait l'interroger, tremblante d'une réponse, d'un ordre qui peut-être la désolerait. D'un autre côté, pieuse comme elle l'était, le curé représentait tout pour elle. En devenant sa nièce, il lui semblait qu'elle entrerait dans la maison de Dieu, qu'elle serait plus près du ciel et que son salut en serait plus assuré. Alors, quand ses idées l'assaillaient, il lui paraissait, malgré de secrets et étouffés battements de son cœur, malgré une vague et indistinctive angoisse, que le bonheur, que le devoir était là. Tout en achevant de s'habiller pour se rendre à la cérémonie de la croix de mission, elle s'était donc plus vivement encore que précédemment sentie prise de nouveaux doutes, de renaissantes hésitations. Une double remarque qu'elle avait faite était en outre venue augmenter son émoi. C'est à peine si, dans ces derniers temps, Denis Lemarec apparaissait chez son père. On ne le voyait presque plus. Bien qu'elle ne fût pas du tout au courant des bruits qui commençaient à courir dans le pays et dont Louise Pénéguez se faisait si volontiers le complaisant écho, le fait l'avait cependant frappée. Il lui avait semblé d'autant plus étrange que, vers le même moment, Hervé Morvan, qui depuis le retour de la Croix du Sud avait presque disparu pour elle, semblant la fuir, éviter les occasions de la rencontrer, se trouvait à présent tous les jours sur son passage, et que ses yeux, au lieu de se détourner, la cherchaient avec la même ardeur muette, la même tendresse qu'autrefois. Que se passe-t-il donc, et pourquoi ces petits faits, indifférents en apparence, peut-être très significatifs? Elle en était là de ses réflexions quand la voix de Denis l'arracha de ses pensées. Reine alla à lui comme au secours cherché, à la solution espérée, avide de parler, de savoir, de verser enfin dans un autre cœur ce qui la dévorait. Maintenant qu'il était là, en face d'elle, que ses yeux plongeaient au fond des siens, qu'il n'avait plus qu'à tendre les bras pour la prendre, pour la serrer contre son cœur, Denis eut une émotion encore plus terrible, plus redoutable que celle qu'il avait ressentie au moment de son entrée dans la maison, en la voyant dans son costume de fête. Quelles étaient les pensées qui s'agitaient sous ce joli front si pur, si blanc? Que cachaient les profondeurs du lac limpide de ses grands yeux attachés sur lui, avec tant de candeur, de douceur, de tendresse peut-être? Il n'osait plus parler, troublé, bouleversé jusqu'au fond de l'âme, en un tel désarroi de cœur qu'il avait envie de se sauver sans rien dire, sans faire l'aveu qui lui brûlait les lèvres. Elle le regarda étonnée, inquiète de ce silence prolongé, autant que du trouble visible dans sa physionomie mobile. Elle s'avança d'un pas vers lui, la main tendue, appelant « Denis !» Il recula en un mouvement soudain de terreur, semblant se défendre avec des mots répétés, balbutiés, que ses lèvres paraissaient avoir peine à arracher de sa gorge. « Non, non, cela ne se peut, non !» Des rougeurs passèrent en flammes d'incendie sur les joues, sur le front de Reine, qui se rapprocha davantage, attirée malgré elle, impatiente de comprendre, de savoir. « Qu'y a-t-il donc ?» Et s'il allait lui briser le cœur par sa révélation brutale, si elle l'aimait, En un coup de foudre, cette pensée traversa son esprit. Il la combattit, la repoussa, se répétant « Non, non, elle ne m'aime pas !» Tout haut, il l'invoqua, à mains presque jointes, en un délire de supplication. « Dites-moi, oh dites-moi, reine, que vous ne m'aimez pas, que jamais !» Elle avait jeté un cri d'oiseau blessé. « Ne pas vous aimer, vous, Denis, mon camarade, mon petit ami d'enfance, que me dites-vous là ?» Il avait pâli au premier mot, mais la fin de la phrase sonnait à ses oreilles d'une douceur calme qui peu à peu le rassérénait. Il eut un élan vers elle, lui saisit les mains et interrogea, anxieux encore. « Comme votre frère, n'est-ce pas, ma reine ?» Très calme, un sourire apaisé aux lèvres, n'ayant plus de flammes brûlantes aux joues, plus de rayons dans les yeux, elle reprit. « Le plus cher, le plus aimé des frères !» Il s'exclama, le cœur léger, la poitrine bondissante. « Ah, c'est que vous ne savez pas, vous ne pouviez pas savoir. On avait songé à vous pour moi, oui, des amis, de bons et tendres amis, votre père, mon oncle. Est-ce qu'on peut marier un frère et une sœur, voyons ? Ils ont fait ce rêve, un vrai rêve, comme vous voyez. » Une joie vibrait en lui, à la voir si tranquille devant cette révélation, qui était pour ainsi dire venue toute seule sur leur bouche, à la même minute du fond de leur cœur, sans qu'ils eussent eu besoin de s'entendre d'avance, de s'interroger. Non, ils ne s'aimaient pas d'amour, ils s'aimaient d'une affection plus calme, moins tumultueuse, de cette affection de deux êtres habitués autrefois à vivre ensemble, comme s'ils étaient de la même famille, et qui n'avaient jamais senti s'élever entre eux le vent brûlant de la passion. À présent, l'aveu fait, ils causaient sans trouble, en pleine confiance, comme s'ils eussent toujours ainsi échangé fraternellement leurs confidences, et ce fut Reine, plus audacieuse, qui questionna la première. « Vous aimez donc quelqu'un, Denis ?» Sa curiosité de femme s'éveillait, avivée par cette pensée d'amour, et, un sourire de tendre malice au coin des yeux, devinant la vérité. « Celle que vous avez sauvée, n'est-ce pas ? Celle de là-bas ?» Son doigt montrait par-delà les hauteurs la direction du sud. Le marec, un peu troublé, avoua. « C'est Geneviève Gualen que j'aime. » Mais à son tour, se souvenant de sa promesse à son ami, plus pressant maintenant que son cœur était allégé par la confession, il serra étroitement les deux mains de Reine entre les siennes et affirma « Je sais aussi votre secret, car vous en avez un comme j'avais le mien. » Elle essaya de se dégager pour cacher la rougeur qui flamba soudain d'une vive lueur à travers son visage, glissa jusque dans son cou. Il insista, ses prunelles un peu railleuses allant fouiller au fond de ses yeux, qu'elle tentait vainement de détourner et dont le trouble était un aveu. « Si je disais son nom, moi aussi !» Reine balbutia, se défendant mal. « Taisez-vous ! Taisez-vous !» Déjà, il articulait à voix basse tout joyeux. « Hervé Morvan ! Hervé, mon ami ! Mon camarade qui vous aime, qui vous adore, reine, comme j'aime, comme j'adore, Faïk. » Elle secouait la tête, se refusant encore à l'aveu, prise de pudeur, au moment de dévoiler son cœur. Mais il poursuivit. « Le rendrez-vous le plus malheureux des hommes ? Dois-je aller lui dire que jamais, jamais vous ne l'aimerez ? Qu'il doit renoncer à vous ?» Derrière eux, un gros rire satisfait roula. Une voix gronda, exagérant un accent de colère simulé. « Ah ah ! Cette fois, je vous y prends, hein, les amoureux !» Ils s'écartèrent brusquement l'un de l'autre, si atterrés, si déconfits, que Balanec, qui venait d'entrer sans être entendu, redoubla d'hilarité bruyante. « Ah ah ah ! Vous ne pouvez pas dire le contraire !» Denis vint à lui, voulant lui parler, tandis que Reine, toute troublée, n'osait le regarder. Mais le mareyeur, se bouchant les oreilles, tonna. « Non, non, non, pas d'excuses. Je n'écoute rien, rien, rien. Et vite, dépêchons-nous, Reine va se trouver en retard. Bonjour, garçon, va vite à tes affaires, je ne t'entends pas. » Il le poussa brusquement, jovialement par les épaules, hors de chez lui, sans vouloir le laisser parler. Le marais qu'avait disparu, que Balanec criait encore, regardant sa fille avec des yeux attendris, et murmurait « Un fièrement joli couple que ça fera, on peut dire. Ha ha ha, pauvres enfants, je leur en ai fait une peur. »